Les deux dernières vidéos, j'ai perdu 3 abonnés. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je considère pas ça comme nécessairement un mauvais signe. Donc, il y a encore des affaires par rapport à tout ça. Moi, je commence à avoir plus que des doutes. Là, Gloriane Blais a fait des vidéos, est habillée comme un gourou de secte. Elle est vraiment habillée comme un gourou de secte Nouvel Âge. Elle est habillée en blanc, 3 couches de blanc. Puis elle parle d'être dans l'amour puis d'être dans son cœur, exactement comme Steve l'artiste Chartrand, Charlant, ou je sais plus, faisait dans sa gang. Puis que dès que le monde critiquait du moins les affaires de chaman, puis tout c'est nécessaire, puis les feux sacrés, ah oh, c'est du pissage d'arrêt, blablabla. Ça ressemble à ça, là. Être en énergie, être dans l'amour, être dans notre cœur. Le langage utilisé, puis l'affaire aussi de se présenter tout de suite comme j'ai été avocate, blablabla, j'ai été radiée parce que j'ai pas voulu obéir à une demande d'évaluation psychiatrique. Et j'ai été radiée par le barreau du Québec en mars 2022, à la suite du fait qu'ils m'ont ordonné un examen psychiatrique que j'ai refusé vu que cela constituait un abus de pouvoir flagrant. Je vois mal au Québec, selon les paramètres, comment est-ce que quelqu'un pourrait, par un expert là, neutre, être passé pour fou s'il l'est pas, selon les paramètres de comment est-ce qu'on évalue, comment quelqu'un est orienté dans chaque sphère, puis tout. J'ai de la misère à croire, ça a aucun sens. Puis une fois qu'on est irradié parce qu'elle a dit que c'est à cause de ça qu'elle est irradiée, une fois qu'on est irradié pour avoir refusé de passer une évaluation psychiatrique, est-ce qu'on est la meilleure personne pour être le porte-flambeau, le fer de lance, d'aller de la meilleure crédibilité au niveau du public pour aller porter la défense par rapport aux gens? Est-ce que ça pouvait pas nuire au fond? Puis est-ce qu'il n'y a pas là un profond manque de discernement? Puis finalement, on se recycle en maître Nouvel Âge, pour faire des ateliers Nouvel Âge, puis c'est ça qui s'en vient dans le fond. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, ça peut être la première fois que vous entendez parler de ça. Puis vous allez peut-être vous dire, ben, peut-être folle, hein, justement. Vous allez peut-être vous dire, ben là, si le barreau du Québec, là, lui a ordonné un examen psychiatrique, c'est sûr qu'il est folle. Donc, si vous n'avez pas suffisamment l'esprit ouvert, je vous invite à quitter ce live et revenir lorsque vous aurez considéré que vous serez en mode d'ouverture de votre ouverture d'esprit ou ne pas revenir jamais, pas de problème. Moi, je considère que je suis quelqu'un qui est ouvert d'esprit. L'affaire, là, c'est que il y a plusieurs choses qui accrochent. Cette personne-là poursuit presque 40 personnes des officiels du Canada, dont le premier ministre, puis un paquet de monde, en notre nom. En notre nom. Puis, si on n'est pas assez ouvert d'esprit, on n'a pas à vérifier sa crédibilité. On va la faire des actions, elle, puis elle se donne la mission de sauver l'humanité, quasiment, là. Puis, vous allez voir que c'est même pas exagéré ce que je vous dis là, mais on n'a pas à avoir de sens critique si on n'est pas ouvert d'esprit, on n'a pas, non. Donc, faut qu'on, ça nous concerne pas. Hein? C'est tout ça, là. Que nous avons choisi de s'incarner. Nous avons choisi d'être là à ce moment-ci de l'histoire de l'humanité. Ça rejoint le gnosticisme, puis même des affaires qu'on voit dans certains mouvements divergents qu'il y a eu à certaines époques de doctrine de la prédestination, qui servait à justifier des idéologies, entre autres des affaires de même. Puis moi, à mes yeux, on est parti, là. Si nous avons choisi de s'incarner, c'était pour accomplir une mission. Pour accomplir. Si on a choisi de s'incarner, c'est parce qu'on a une mission. Elle a une mission. Puis elle, c'est une élue. Puis les gens qui sont fascinés par ce qu'elle dit ou que ça leur parle, ils ont une mission, là. Ben il y a des âmes qui sont au ciel, qui ne sont pas encore incarnées. Bon, on est dans une canalisation d'esprit. Et qui peuvent être avec nous en pensée. Si vous avez décidé de vous incarner, c'est que vous avez choisi en cette période d'être là en action. Si on se fie à ce qu'elle dit, ça veut dire, moi aussi, j'ai choisi de m'incarner, puis si je l'écoute, elle, c'est parce que j'aurais un mandat par rapport à elle. Il y a un an, l'amour arrivait sur Terre, et pour que l'amour s'incarne, donc dans nos corps et tout ça, ça peut prendre 20 ans. OK. J'ai jamais eu d'amour sur Terre avant il y a un an. 20 ans, c'est le temps que l'humanité soit décimée si on continue dans la direction que certains allaient. Hey, comme l'initiation solaire dans certaines doctrines, ça prend 20 ans à peu près. Qu'il y a cette humilité-là pour faire partie du plan divin. Parce que si on veut tout contrôler, selon notre libre arbitre, on peut, même si on veut bien faire le bien, prendre le mauvais chemin. Si vous devez avoir l'humilité de considérer qu'elle est mandatée, puis elle a choisi, puis elle a une mission, puis là, vous devez abandonner tout libre arbitre, puis contrôler rien, puis c'est ça, vous laissez. C'est un discours de gourou de secte, ça. Le chemin le plus stratégique, le plus efficient pour sauver l'humanité, notamment. Est-ce qu'elle est un exemple de chemin le plus stratégique au niveau des faits, là? La seule façon de faire partie du plan divin, c'est de prendre ses 5 minutes par jour. La seule façon de sauver l'humanité, ça va être de faire comme elle a dit, comme l'affaire d'avant, parler les 5 minutes par jour. C'est de même que, c'est comme John Lennon avec son bed-in, ça va sauver l'humanité. Et c'est comme ça qu'on reste dans notre cœur. Faut que vous restiez dans votre cœur comme Steve l'artiste Charlin, ou je sais plus trop, il disait à ses adeptes. Restez dans votre cœur, puis ceux qui disent le contraire du pissage d'oreille. D'être en connexion avec le plus grand, ou Dieu pour certains, peu importe comment on le nomme. OK, peu importe comment on le nomme, comme Lucifer, Satan, peu importe, là. Puis quand on s'entoure des gens de grand cœur comme nous, bien ça circule. Donc, tout le monde est gagnant. C'est sûr, si vous êtes de grand cœur, mais vous êtes entouré de personnes qui sont pas là dans leur cœur, ben vous faites vider à chaque jour par ces gens-là. Quelle humilité. Ils sont tout le temps dans l'humilité comme elle, là. Elle est tout le temps en train de dire qu'elle est extrêmement courageuse, extrêmement tenace. Puis, des gens qui sont dans leur cœur, peu comme elle, comme eux, comme vous, si vous la suivez. Tu sais, ces personnes qui font du pissage d'oreilles, là. Sont pas dans leur cœur. Les gens là qui ont été dans les gugus de Farfadet là, puis qu'ils en ont soupé là d'entendre ça là, t'es pas dans ton cœur. Vous reconnaissez, on dirait qu'ils ont eu la même formation. Aujourd'hui, est-ce que tu choisis de faire partie de ce plan divin? Moi, l'affaire de tutoyer les gens, j'ai de la misère avec ça, surtout de la part d'une personne qui a plaidé en cour. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. L'expression, c'est qu'il n'y a pas de sous. On peut être président d'un pays et accepter de faire partie du plan divin. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que tu veux être dans ton cœur et faire partie du plan divin? Mais plutôt d'accepter de faire partie de l'équipe. Et donc, d'accepter de ne plus être dans le libre arbitre ou de ne plus être en contrôle. Vous devez abandonner tout sens critique, puis écouter ce qu'il a dit, puis capter des messages vous aussi pour avoir les mêmes guides qu'elle, puis être téléguidé, voie express vers le mur comme elle. De faire partie du plan divin en étant dans leur cœur et en suivant les messages que vous avez dans votre petite voix intérieure, l'énergie céleste qui peut nous être attribuée lorsqu'on fait partie du plan divin. Et je vais vous montrer ce que je fais. Des fois, je me demande, c'est-tu des agents des agentures américaines, ce monde-là? Sont-ils mandatés pour... c'est quoi, là? C'est tellement ridicule. La condition, il faut juste être prêt à y aller. Être prêt à des sacrifices, il faut les faire. Mais je peux vous garantir que vous allez être une paix intérieure, un bonheur véritable. Parce que c'est sûr qu'elle va vendre des ateliers, elle. C'est sûr, 100%. 100%. Ça va coûter de l'argent. Mais si vous voulez faire partie de ce plan divin dans l'action, en suivant votre voix intérieure, je vais vous montrer comment vous purifier tous les jours et comment vous réénergiser tous les jours grâce au céleste. Toujours en étant autant que possible près de l'eau. À vous vendre la paix. Donc, elle s'adresse à du monde qui sont pas en paix. Ou dans l'eau. Alors, je me lève. Dans le fond, là, si on se fait à ce qu'elle dit, là, elle est mandatée par le ciel. C'est une missionnaire céleste. C'est une envoyée céleste, ça, là. C'est comme un prophète, elle reçoit des messages. Vos guides, vos anges, le ciel, Dieu, Jésus. Demandez-en pas trop à Jésus. Demandez pas trop à Jésus.